Le Grand Maulne, Alain Fournier. Ceci est un enregistrement de Christophe pour Audiocité. Première partie, chapitre 6. On frappe au carreau. Le quatrième jour fut un des plus froids de cet hiver-là. De grand matin, les premiers arrivés dans la cour se réchauffaient en glissant autour du puits. Ils attendaient que le poêle fût allumé dans l'école pour s'y précipiter. Derrière le portail, nous étions plusieurs à guetter la venue des gars de la campagne. Ils arrivaient tout éblouis encore d'avoir traversé des paysages de givre, d'avoir vu les étangs glacés, les taillis où les lièvres détalent. Il y avait dans leur blouse un goût de foin et d'écurie qui alourdissait l'air de la classe quand ils se pressaient autour du poêle rouge. Et ce matin-là, l'un d'eux avait apporté dans un panier un écureuil gelé qu'il avait découvert en route. Il essayait, je me souviens, d'accrocher par ses griffes au poteau du préau la longue bête raidie. Puis la pesante classe d'hiver commença. Un coup brusque au carreau nous fit lever la tête. Dressé contre la porte, nous aperçûmes le grand Maulne, secouant avant d'entrer le givre de sa blouse, la tête haute et comme ébloui. Les deux élèves du banc le plus rapproché de la porte se précipitèrent pour l'ouvrir. Il y eut à l'entrée comme un vague conciliabule que nous n'entendîmes pas et le fugitif se décida enfin à pénétrer dans l'école. Cette bouffée d'air frais venue de la cour déserte, les brindilles de paille qu'on voyait accrochées aux habits du grand Maulne et surtout son air de voyageur fatigué, affamé, mais émerveillé, tout cela fit passer en nous un étrange sentiment de plaisir et de curiosité. Monsieur Sorel était descendu du petit bureau à deux marches où il était en train de nous faire la dictée, et Maulne marchait vers lui d'un air agressif. Je me rappelle combien je le trouvais beau à cet instant, le grand compagnon, malgré son air épuisé et ses yeux rougis par les nuits passées au dehors, sans doute. Il avança jusqu'à la chaire et dit, du ton très assuré de quelqu'un qui rapporte un renseignement, « Je suis rentré, monsieur. » « Je le vois bien, » répondit M. Sorel, en le considérant avec curiosité. « Allez vous asseoir à votre place. » Le gars se retourna vers nous, le dos un peu courbé, souriant d'un air moqueur, comme font les grands élèves indisciplinés lorsqu'ils sont punis, et saisissant d'une main le bout de la table, il se laissa glisser sur son banc. « Vous allez prendre un livre que je vais vous indiquer, » dit le maître. Toutes les têtes étaient alors tournées vers Maulne, pendant que vos camarades finiront la dictée, et la classe reprit comme auparavant. De temps à autre, le grand Maulne se tournait de mon côté, puis il regardait par les fenêtres, d'où l'on apercevait le jardin blanc, cotonneux, immobile, et les champs déserts, où parfois descendait un corbeau. Dans la classe, la chaleur était lourde, auprès du poêle rougi. Mon camarade, la tête dans les mains, s'accouda pour lire. À deux reprises, je vis ses paupières se fermer et je crus qu'il allait s'endormir. « Je voudrais aller me coucher, monsieur, » dit-il enfin, en levant le bras à demi. « Voici trois nuits que je ne dors pas. »« Allez, » dit monsieur Sorel, désireux surtout d'éviter un incident. Toutes les têtes levées, toutes les plumes en l'air, à regret, nous le regardâmes partir, avec sa blouse fripée dans le dos et ses souliers terreux. Que la matinée fut lente à traverser. Aux approches de midi, nous entendîmes, là-haut, dans la mansarde, le voyageur s'apprêter pour descendre. Au déjeuner, je le retrouvai assis devant le feu, près des grands-parents interdits, pendant qu'aux 12 coups de l'horloge, les grands élèves et les gamins éparpillés dans la cour neigeuse filaient comme des ombres devant la porte de la salle à manger. De ce déjeuner, je ne me rappelle qu'un grand silence et une grande gêne. Tout était glacé. La toile cirée sans nappe, le vin froid dans les verres, le carreau rougi sur lequel nous posions les pieds. On avait décidé, pour ne pas le pousser à la révolte, de ne rien demander au fugitif. Et il en profita de cette trêve pour ne pas dire un mot. Enfin, le dessert terminé, nous pûmes tous les deux bondir dans la cour. Cour d'école, après-midi, où les sabots avaient enlevé la neige, cour noircie où le dégel faisait dégoûter les toits du préau, cour pleine de jeux et de cris perçants. Maulne et moi, nous longeâmes en courant les bâtiments. Déjà deux ou trois de nos amis du bourg laissaient la partie et accouraient vers nous en criant de joie, faisant gicler la boue sous leurs sabots, les mains aux poches, le cache-nez déroulé. Mais mon compagnon se précipita dans la grande classe, où je le suivis, et referma la porte vitrée juste à temps pour supporter l'assaut de ceux qui nous poursuivaient. Il y eut un fracas clair et violent de vitres secouées, de sabots claquant sur le seuil. Une poussée qui fit plier la tige de fer maintenant les deux battants de la porte. Mais déjà Maulne, au risque de se blesser à son anneau brisé, avait tourné la petite clé qui fermait la serrure. Nous avions accoutumé de juger très vexante une pareille conduite. En été, ceux qu'on laissait ainsi à la porte couraient au galop dans le jardin et parvenaient souvent à grimper par une fenêtre avant qu'on eût pu les fermer toutes. Mais nous étions en décembre et tout était clos. Un instant, on fit au dehors des pesées sur la porte, on nous cria des injures, puis un à un, ils tournèrent le dos et s'en allèrent, la tête basse, en rajustant leur cache-nez. Dans la classe qui sentait les châtaignes et la piquette, il n'y avait que deux balayeurs qui déplaçaient les tables. Je m'approchai du poêle pour m'y chauffer paresseusement en attendant la rentrée, tandis qu'Augustin Maulne cherchait dans le bureau du maître et dans les pupitres. Il découvrit bientôt un petit atlas qu'il se mit à étudier avec passion, debout sur l'estrade, les coudes sur le bureau, la tête entre les mains. Je me disposais à aller près de lui. Je lui aurais mis la main sur l'épaule et nous aurions sans doute suivi ensemble sur la carte le trajet qu'il avait fait, lorsque soudain la porte de communication avec la petite classe s'ouvrit toute battante sous une violente poussée, et Jasmin Delouche, suivi d'un gars du bourg et de trois autres de la campagne, surgit avec un cri de triomphe. Une des fenêtres de la petite classe était sans doute mal fermée et ils avaient dû la pousser et sauter par là. Jasmin Delouche, encore qu'assez petit, était l'un des plus âgés du cours supérieur. Il était fort jaloux du grand Maulne, bien qu'il se donnait comme son ami. Avant l'arrivée de notre pensionnaire, c'était lui, Jasmin, le coq de la classe. Il avait une figure pâle, assez fade, et les cheveux pommadés. Fils unique de la veuve Delouche, aubergiste, il faisait l'homme. Il répétait avec vanité ce qu'il entendait dire aux joueurs de billard, aux buveurs de vermouth. À son entrée, Maulne leva la tête et les sourcils froncés, cria au gars qui se précipitait sur le poêle en se bousculant. « On ne peut donc pas être tranquille une minute ici. »« Si tu n'es pas content, il fallait rester où tu étais, » répondit sans lever la tête Jasmin Delouche qui se sentait appuyé par ses compagnons. Je pense qu'Augustin était dans cet état de fatigue où la colère monte et vous surprend sans qu'on puisse la contenir. « Toi !» dit-il en se redressant et en fermant son livre, un peu pâle. « Tu vas commencer par sortir d'ici. » L'autre ricana. « Oh ! » cria-t-il. « Parce que tu es resté trois jours échappé, tu crois que tu vas être le maître maintenant ?» Et, associant les autres à sa querelle, « Ce n'est pas toi qui nous feras sortir, tu sais. » Mais déjà Maulne était sur lui. Il y eut d'abord une bousculade. Les manches des blouses craquèrent et se décousirent. Seul Martin, un des gars de la campagne entré avec Jasmin, s'interposa. « Tu vas te lasser !» dit-il, les narines gonflées, secouant la tête comme un bélier. D'une poussée violente, Maulne le jeta, titubant, les bras ouverts au milieu de la classe.

Il hésita entre deux routes et crut se rappeler qu'il allait tourner à gauche pour aller à Vierzon. Personne n'était là pour le renseigner. Il remit sa jument au trot sur la route désormais plus étroite et mal empierrée. Il longea quelque temps un bois de sapins et rencontra enfin un roulier à qui il demanda, mettant sa main en porte-voix, s'il était bien sur la route de Vierzon. La jument, tirant sur les guides, continuait à trotter. L'homme ne dut pas comprendre ce qu'on lui demandait. Il cria quelque chose en faisant un geste vague et, à tout hasard, Maulne poursuivit sa route. De nouveau, ce fut la vaste campagne gelée, sans accident ni distraction aucune. Parfois seulement une pie s'envolait, effrayée par la voiture, pour aller se percher plus loin sur un orme sans tête. Le voyageur avait enroulé autour de ses épaules, comme une cape, sa grande couverture. Les jambes allongées, accoudées sur un côté de la carriole, il dut somnoler un assez long moment. Lorsque, grâce au froid qui traversait maintenant la couverture, Maulne eut repris ses esprits, il s'aperçut que le paysage avait changé. Ce n'étaient plus ces horizons lointains, ce grand ciel blanc où se perdait le regard, mais de petits prés encore verts avec de hautes clôtures. À droite et à gauche, l'eau des fossés coulait sous la glace. Tout faisait pressentir l'approche d'une rivière. Et, entre les hautes haies, la route n'était plus qu'un étroit chemin défoncé. La jument, depuis un instant, avait cessé de trotter. D'un coup de fouet, Maulne voulait lui faire reprendre sa vive allure, mais elle continua à marcher au pas avec une extrême lenteur. Et le grand écolier, regardant de côté, les mains appuyées sur le devant de la voiture, s'aperçut qu'elle boitait d'une jambe de derrière. Aussitôt, il sauta à terre, très inquiet. « Jamais nous n'arriverons à Vierzon pour le train, » dit-il à mi-voix. Et il n'osait pas s'avouer sa pensée la plus inquiétante, à savoir que peut-être il s'était trompé de chemin et qu'il n'était plus là sur la route de Vierzon. Il examina longuement le pied de la bête et n'y découvrit aucune trace de blessure. Très craintive, la jument levait la patte dès que Maulne ne voulait la toucher et grattait le sol de son sabot lourd et maladroit. Il comprit enfin qu'elle avait tout simplement un caillou dans le sabot. En gars expert au maniement du bétail, il s'accroupit, tenta de lui saisir le pied droit avec sa main gauche et de le placer entre ses genoux, mais il fut gêné par la voiture. À deux reprises, la jument se déroba et avança de quelques mètres. Le marchepied vint le frapper à la tête et la roue le blessa au genou. Il s'obstina et finit par triompher de la bête peureuse. Mais le caillou se trouvait si bien enfoncé que Maulne dut sortir son couteau de paysan pour en venir à bout. Lorsqu'il eut terminé sa besogne et qu'il releva enfin la tête, à demi étourdi et les yeux troubles, il s'aperçut avec stupeur que la nuit tombait. Tout autre que Maulne eut immédiatement rebroussé chemin. C'était le seul moyen de ne pas s'égarer davantage. Mais il réfléchit qu'il devait être maintenant fort loin de la motte. En outre, la jument pouvait avoir pris un chemin transversal pendant qu'il dormait. Enfin, ce chemin-là devait bien, à la longue, mener vers quelques villages. Ajoutez à toutes ces raisons que le grand gars, en remontant sur le marchepied, tandis que la bête impatiente tirait déjà sur les guides, sentait grandir en lui le désir exaspéré d'aboutir à quelque chose et d'arriver quelque part, en dépit de tous les obstacles. Il fouetta la jument qui fit un écart et se remit au grand trot. L'obscurité croissait. Dans le sentier raviné, il y avait maintenant tout juste passage pour la voiture. Parfois, une branche morte de la haie se prenait dans la roue et se cassait avec un bruit sec. Lorsqu'il fit tout à fait noir, Maulne songea soudain, avec un serment de cœur, à la salle à manger de Sainte-Agathe, où nous devions, à cette heure, être tous réunis. Puis la colère le prit, puis l'orgueil et la joie profonde de s'être ainsi évadé, sans l'avoir voulu. Fin du chapitre 8.